qui j'ai confié le mystère de mon âme. Les gazelles et les mouettes de mon être, tu les ensevelis dans des fosses communes. Tu entendras leurs gémissements tomber avec la pluie. Toi, gardienne des nuits et des joies, tu m'évites comme un lépreux cruel. Me refuse les sirops que tu offrais et troque ton miel pour de l'amertume. Toi pour qui j'ai conquis des cités, rappelle-toi, je t'ai mené jusqu'à Lisbonne. Tu attends de moi l'oubli ou la haine, comme si le soleil et l'eau devenaient du sel. Toi, à qui j'ai confié mes chérubins, mes fées lumineuses, tu les couches dans la crypte la plus sombre, leurs prières hurlent dans le vent. Toi investi par la bénédiction de Tchéchir sur nos jours heureux et nos paisibles nuits. Tu me refuges jusqu'aux paumes d'un adieu, espérant que j'oublie mon univers en quelques jours. J'oublie mon univers en quelques jours.